Voilà, on vient d'entendre Tant qu'on sera 3 ou 4 de Rémi Cerda et c'était sur le grain des choses. Mais comme dit Juliette dans le chat en ce moment, on est des millions, enfin en fait on est très nombreux. En tout cas, on est toujours à l'écoute de La Centrale et vous pouvez nous écouter sur acentrale.org mais aussi sur les ondes de Pinode en DAB+ à Mulhouse, également sur Radio MNE à Mulhouse, l'Écho des Garrigues à Montpellier en 88. On attend vos coups de téléphone, vous n'hésitez pas à nous appeler au 09 50 39 67 59. On est aussi en ligne sur voilà, Radio Piquaise, La Parole Errante demain, L'Écho des Cabanes et Radio Fréquence Paris Pluriel nous relaiera demain. Et on est toujours, nous on est plus, on est 3, 4, 5 au moins dans notre plateau éclaté, éparpillé. Et il y a Nicolas aussi, toi tu voulais reprendre un petit peu sur parler des brigades. Oui, tout à fait. Du coup, il y avait cette question qu'on va aborder directement avec nos invités là, des brigades de solidarité populaire qui se mettent en place pour lutter contre le virus et ses conséquences en ce moment. Il y a une tribune, enfin une interview qui est parue dans un magazine américain qui s'appelle Commune Mag et qui a été traduit sur le site web suisse reversé.ch. Que je vous propose de lire, que je trouve vraiment intéressante. Valerio et ses camarades savaient qu'ils ne pouvaient pas traiter le Covid-19 comme n'importe quelle autre lutte ou campagne d'entraide. Ils avaient participé aux efforts de secours en cas d'inondation et au travail d'entraide dans les régions du nord de l'Italie frappées par le feu, au mouvement contre la police et pour les travailleurs, mais un virus, c'est différent. Il n'est pas visible. Vous ne pouvez pas l'affronter directement, comme vous le feriez avec un incendie ou la police. Tout devait être réévalué. Tout d'abord, ils se sont dit que s'ils allaient être dans la rue pour aider les gens, ils devaient accepter un certain entraînement et une certaine discipline. Les gens ne pouvaient pas faire tout ce qu'ils voulaient, sinon ils risquaient d'aggraver les choses, de rendre tout le monde plus malade. Ils devaient suivre des procédures d'hygiène appropriées, comprendre comment le virus se propageait. Ils avaient besoin d'être formés. La première étape consistait à trouver un médecin ou une organisation qui pourrait fournir cette structure. Ils se sont mis en relation avec une ONG, Emergency, qui avait participé à la lutte contre la propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Et en particulier avec un médecin qui pourrait les former aux procédures appropriées, comment mettre des gants et des masques, comment interagir avec les personnes qui pourraient être infectées. L'étape suivante consistait à se diviser en équipes qui pourraient se rendre sur place et livrer de la nourriture et des médicaments aux personnes coincées dans leur maison. Ils ont mis en place un centre d'appel et ont distribué un numéro de téléphone unique afin que les gens puissent appeler à l'aide. Le service d'urgence leur a permis d'utiliser le premier étage de leur bureau pour stocker des fournitures et recevoir des appels. Au moment où Valerio a parlé à Commune, depuis son appartement à Milan, où il coordonne les opérations des brigades d'urgence bénévoles, Brigate Volontarie per Emergenza, elle comptait plus de 180 bénévoles formés, travaillant en équipe dans toute la ville. Et bien d'autres encore attendaient d'être formés. C'était le 23 mars, et la situation dans le nord de l'Italie s'était rapidement détériorée, m'a-t-il dit, en grande partie à cause des terribles décisions des gens au pouvoir. Alors même que l'épidémie explosait, l'Union nationale des restaurateurs a distribué une vidéo avec le hashtag Won't Stop, encourageant les gens à sortir, à manger dans les restaurants et à boire dans les bars. Confindustria, l'association des industriels, a fait pression à plusieurs reprises sur le gouvernement pour que les usines et les ateliers restent ouverts, alors même que l'armée patrouille dans les rues et que le nombre de morts augmente. Le 21 mars, le gouvernement italien a pris la mesure sans précédent de fermer les usines, mais même alors, Confindustria a réussi à faire pression pour qu'elles restent ouvertes quelques jours de plus. Le travail des brigades de partisans est en grande partie non médical. Partout à Milan, des centaines de personnes sont coincées dans leurs maisons, sans nourriture, sans produits d'hygiène, comme les désinfectants et les masques, et sans soins médicaux adéquats. Elles sont parfois coincées dans des situations abusives ou dangereuses, où se débattent psychologiquement. Comme dans de nombreuses villes du monde, les hôpitaux de Milan ne prennent plus en charge que les personnes les plus malades, et isolent à domicile la plupart des cas confirmés et présumés positifs, et de nombreuses personnes vulnérables ne peuvent prendre le risque de s'aventurer à l'extérieur. C'est là que les brigades interviennent. Elles ont divisé la ville en 9 zones, chacune portant le nom d'un célèbre partisan. Leurs centres d'appel reçoivent des demandes de partout et envoient des équipes pour livrer du matériel ou mettre les gens en contact avec des conseillers. Pour l'instant, le défi consiste à trouver plus de nourriture. Ils ont besoin de palettes de nourriture, de tonnes. Ils espèrent aussi recevoir une grosse cargaison d'équipements de protection individuelle qu'ils distribueront dans les quartiers. Ils peuvent maintenant orienter les gens vers des psychologues à domicile. La chose qu'ils veulent vraiment pouvoir faire est d'aider tous les enfants piégés à la maison. et tous les parents sans garde d'enfants, mais c'est très compliqué. Ils ont demandé au gouvernement de pouvoir opérer dans les rues, sans harcèlement policier, et de mettre en place un numéro d'appel d'urgence distribué par la ville. Ils orientent les gens vers les services sociaux locaux. Le jour où nous avons parlé, Valerio a mentionné une personne atteinte de Covid-19, à laquelle il avait parlé ce matin-là, une femme équatorienne, avec un diagnostic positif, qui avait été renvoyée chez elle par l'hôpital, parce que son cas n'était pas si grave. Maintenant, il s'inquiète qu'elle ne s'en sorte pas. Elle n'a pas de nourriture, elle ne peut pas travailler, et elle vit seule avec ses trois enfants, tous atteints de Covid-19. Les brigades lui ont apporté de la nourriture, dit-il, mais le lendemain, il appelait la ville pour s'assurer qu'elle lui apportait un soutien. Leurs efforts ne sont pas seuls, bien sûr. Les syndicats sont passés à l'offensive dans les grandes entreprises industrielles et dans le secteur de la logistique, déclenchant une grève générale. Les travailleurs de ces secteurs sont rassemblés en grand nombre, sans équipement de protection ni procédures de sécurité appropriées, alors même que des restrictions totalitaires sont appliquées ailleurs et que tout indique qu'elles se répandent dans les foyers et sur les lieux de travail. Et parmi les travailleurs de la santé, même s'ils ne peuvent pas faire grève maintenant, le manque d'équipement et de ressources appropriées suscite une rage croissante. Les prisonniers, eux aussi, se révoltent ouvertement contre les pièges mortels surpeuplés dans lesquels ils sont contraints de vivre. Des émeutes et des soulèvements ont eu lieu dans 28 prisons italiennes au début du mois de mars, lorsque la maladie a commencé à se répandre parmi les détenus. À Bologne, après une évasion massive, 8 prisonniers ont été abattus. 13 prisonniers sont morts pendant la vague de révolte, beaucoup d'entre eux ont été abattus et d'autres dans des circonstances contestées. Valerio était devant la prison de Milan en train de manifester. Les prisonniers étaient sur les toits, en train de crier, et ils avaient mis le feu à une partie de la prison. C'est là que Valerio et d'autres camarades se sont rencontrés et ont décidé que cette lutte n'était pas comme les autres auxquelles ils avaient participé et qu'elle allait nécessiter de nouvelles tactiques et de nouvelles idées. Pour l'instant, l'accent est mis sur l'aide mutuelle, sur la survie dans des conditions désespérées, mais avec le respect que les brigades gagnent en distribuant des provisions, des médicaments et des masques, à l'avenir, beaucoup de choses pourraient devenir possibles. Il viendra un moment où il sera à nouveau sûr d'être dans les rues en nombre, où l'épidémie se sera calmée, et alors viendra le moment de rendre des comptes aux responsables, aux politiciens qui ont vidé les systèmes de santé, et aux employeurs qui ont mis leurs travailleurs en danger. Si vous regardez les endroits où l'épidémie est la plus grave, ce sont aussi ceux où le capital italien est le plus concentré, où les plus grandes entreprises sont basées, et où le plus grand nombre de travailleurs travaillent dur. Bergame, où l'épidémie est la plus grave, est un centre industriel qui produit du fer, du béton et du marbre, ainsi que des textiles et des métaux raffinés. Les crématoriums se sont effondrés et l'armée a été appelée pour enlever les corps. Le plus important, nous dit-il, est d'agir avec éthique, de faire face à la situation et de montrer que les groupes autonomes sont de meilleurs fournisseurs que le gouvernement, de meilleurs soignants que les employeurs, plus à même de répondre aux besoins qui existent. Vous le faites en montrant que vous êtes organisé et sérieux. Une fois cette confiance et cette crédibilité établies, les partisans peuvent montrer que ceux qui sont morts du virus étaient des victimes du capitalisme et non des victimes d'un accident du destin. Une pandémie est une occasion unique, elle se propage partout parmi les gens et crée ainsi une situation commune à beaucoup, partout dans le monde. Il est temps de construire les brigades. On met une petite musique derrière. On avait prévu d'enchaîner direct avec nos camarades. Carrément. Okay. Il est temps de construire les brigades, c'est justement ce dont on avait envie de parler. Et on est en ligne, en direct, avec des brigades qui sont à Montreuil et d'autres à Rouen, si je ne me trompe. Peut-être que Marco, tu nous entends là ? Brigade de solidarité urbaine de Montreuil, ouais ? Oui, bonjour, on vous entend. Salut, tu vas bien ? Salut, Elise avec moi. Et à Rouen. Attention, hein. Oui, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Il a dit que c'est un complot d'Italiens ici à Rouen. Ah mince. Et à Rouen, il y a Nico et Vincent du réseau d'entraide et de solidarité de Rouen qui sont avec nous. Tout à fait, ouais. Ouais, on vous entend. Salut. Et. Du coup, on voulait vous demander à toutes et tous de présenter chacun vos collectifs. Peut-être Montreuil, vous voulez en parler ? Oui, bien sûr. Donc ici à Montreuil, on a répondu à l'appel de groupe d'Île de France qui s'occupe aussi de la coordination du groupe, de chaque groupe locaux. Et au début, c'était juste un appel sur Facebook qui disait on a monté une brigade. une solidarité populaire et on a besoin de personnes pour préparer à manger, pour le distribuer. C'était comme ça, tout à fait simple. Et au début, on était 4. On a répondu à l'appel, on était 4. Et là, on est 50. Et du coup, on parle de fin mars et au début. Et là, on est quoi ? Le 11 avril, on est une cinquantaine. Et depuis, on a développé des actions différentes. Donc au début, chez nous, on préparait à manger en respectant bien sûr les mesures de précaution. Et tout était très très bien présenté dans un mail qui nous invitait à rejoindre les brigades et à construire un groupe de groupes locaux parce que évidemment avec le confinement, on ne pouvait pas trop bouger. Et donc, de là, on a commencé simplement à cuisiner, à faire du repas à la maison et après à distribuer, notamment ici à Montreuil, on a des foyers d'immigrés qui sont aussi dans la galère pour des questions d'hygiène parce qu'ils vivent très nombreux. Je pense notamment au foyer Barra du Rue Stalingrad. Ils vivent dans des hangars à 250, 270. Du coup, bonjour, avec 5 douches, du coup. Bonjour les distances de sécurité et voir sur les lits superposés et tout ça. Et du coup, voilà, d'abord, on a livré à ces camarades qui sont d'ailleurs des camarades de lutte aussi parce qu'ils font partie du réseau des Gilets Noirs, donc qui luttent pour avoir des papiers et pour avoir des travails dignes et du travail digne et des logements dignes, entre autres. Et donc après, on a aussi commencé à livrer les SDF parce qu'il y en a beaucoup ici, en région. Et notamment, face au fait que les pouvoirs locaux ne les prennent pas du tout en compte. Par exemple, en coupant l'eau dans la rue, donc ces gens-là, ils n'ont pas de quoi se laver, de quoi boire. Donc, on intervient. Vous avez très bien introduit les contextes en parlant de questions vitales. Donc, ça, c'est des questions vitales. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit en période de confinement. Parce que les personnes qui étaient en galère précédemment, elles sont plus, encore plus maintenant. Donc, il y avait des personnes qui avaient du mal à payer leur loyer ou à manger, à se faire manger. Et là, c'est encore pire. Du coup, c'est comment répondre à ces besoins-là, assez concrets. Et ensuite, justement, j'ai envie de vous demander, juste par rapport à ça, Marco, oui. C'est quoi les nouvelles de la rue, justement? C'est quoi le sentiment de ces personnes-là qui, ils voient les gens disparaître chez eux, hein? C'est des gens qui, eux, vivaient dans la rue, au contact de la population, même si c'est un contact qui est biaisé, qui est compliqué. Et là, tout à coup, les rues se désertent et ils se retrouvent là. C'est quoi, vous, les discussions que vous pouvez avoir avec eux, leurs ressentis Moi, j'y vois beaucoup de. J'ai parlé avec quelques personnes. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je vois qu'il y a du désespoir parce que ils ne voient pas des solutions dans la situation où on est. Ils sont en danger par rapport au virus parce qu'ils n'ont pas de protection et ils sont exposés 24 heures sur 24. Et surtout, ils ont moins à manger qu'avant, apparemment, parce que c'est plus difficile de récupérer, d'avoir un contact. Mais quand même, on arrive à les voir à l'extérieur du supermarché, donc à leur dépanner. Et surtout, j'espère, avec ces réseaux qu'on est en train de monter, d'avoir un rapport presque quotidien. En tout cas, nous, on a des personnes qui livrent presque quotidiennement. Moi, je m'occupe à ce moment de la coordination et de coopérer à manger et de la permanence avec Elisa. Et ces personnes qui livrent ont du mal à retrouver les SDF, les personnes de la rue, parce qu'ils bougent et ils sont refoulés, si c'est ça. Le bon terme par la police. Par exemple, dans les bois de Vincennes, il y avait des tentes, des campements, et voilà, ils sont chassés des lieux où ils étaient avant. Du coup, c'est difficile à repérer. Mais je pense qu'il y en a plusieurs qui ont compris qu'on est là, qu'on est présent, qu'on peut les aider. Et ça, c'est déjà quelque chose. En tout cas, nous sommes assez disponibles pour ça et même pour des choses qui en parlent de rapport avec la bouffe. Par exemple, s'il y a besoin d'un téléphone ou de quelque chose de différent, nous commençons aussi à développer des aides ultérieures, disons. Élise veut dire un truc. Oui. Alors, si je peux intervenir, en fait, je voudrais présenter un petit peu la réalité de Montreuil, qui est une ville qui présente un tissu associatif de solidarité déjà existant. On n'est pas arrivé dans un terrain aride, si vous voulez, sous ce point de vue, qui est apparu avec l'urgence du corona, c'est que tous ces organismes, associations, lieux ont compris qu'il y avait urgence de se coordonner pour répondre au mieux aux différents besoins sur le secteur de Montreuil qui est assez vaste. C'est pas une petite ville, hein, donc des réalités précaires, il y en a vraiment. Permettez-moi l'expression à l'appel. Attends, excuse-moi, je peux t'interrompre une seconde. C'est que juste ton signal grésille un peu. Je pense que vous avez un petit problème de Wi-Fi. C'est possible de vous déplacer un petit peu juste à un endroit où il y a du réseau qui marche un petit peu mieux? Là, on est au maximum. Hein. On est maximum. Bah là, ça remarche bien. Là. Juste à cliquer un peu et ça devenait un petit peu incompréhensible sur la fin. Bah, je te laisse continuer. Donc, je voulais dire que, pour résumer, à Montreuil, il y a déjà cet issu existant d'associations de solidarité d'entraide et avec la situation d'urgence du corona, tout le monde a vite compris l'urgence de se coordonner. Et très sincèrement, ça s'est fait à une vitesse et tous les activistes, tous les participants, et on pense tous la même chose, c'est-à-dire qu'on est aussi actifs et aussi efficace parce qu'on ne passe pas par l'administration. C'est vraiment le constat qui est récurrent quand on a nos échanges. Tout le monde se fait la même remarque. Bah oui, c'est parce qu'on s'organise entre nous que ça marche le mieux et plus vite. Donc, je voulais aussi souligner dans la réalité montréoise la chance d'avoir des lieux qui ont été mis à disposition pour les brigades. Et ça, je ne sais pas s'il y a d'autres brigadistes qui ont fait la même chose que nous, mais c'est vraiment d'une importance vitale en termes de coordination, en termes d'organisation, d'avoir un lieu qui puisse répondre aux capacités de stockage et aux nécessités des mesures d'hygiène qui ne sont pas faciles à respecter. Donc, il faut quand même que les lieux soient assez grands pour permettre aux personnes de garder la distance de sécurité. C'est justement ce que j'allais te demander. C'est aussi possible. C'est en fait pour les personnes peut-être qui sont intéressées, qui nous écoutent, qui sont intéressées à organiser en fait une brigade de solidarité populaire autour de chez elles. Là, donc tu dis l'importance d'avoir un lieu. Donc j'imagine que c'est le lieu pour stocker et pour aussi la fabrication des repas. Et du coup, c'est quoi un petit peu vous là à l'usage, ce qui marche bien? Il faut un grand frigo? Quelle capacité? Il faut quoi comme espace? Oui. Donc moi, je parle toujours sur les tailles montréoises. Hein. Encore une fois, c'est une grande ville, donc il y a beaucoup, beaucoup de besoins. Et on est depuis quelques jours sur un régime de distribution de à peu près 150 repas grâce au récup Rangis, grâce aux dons des habitants qui justement commencent à récupérer les lieux, donc ils savent qu'ils peuvent déposer ici leur excès de courses, on va dire. Donc, les lieux, on en a deux. Pour les Montreuilois, je vous invite vraiment à venir sur les pages Facebook pour voir où on est. Les deux lieux, ont à disposition des assez grandes cuisines avec à la fois des frigos. Donc là, à l'occurrence où nous sommes, il y en a trois grands frigos. Une pièce qui doit faire à peu près 25 mètres carrés pour stocker tous les non-périssables et un air qu'on garde pour la mise en place d'à peu près 40 mètres carrés Donc, quand on est sur les lieux, on essaie d'être maximum 4. Mais bon, ici, on a vraiment beaucoup d'espace, donc on n'est pas embêté avec ça. Mais voilà, il faut vraiment, je pense, pour ceux qui veulent ouvrir une brigade, se poser cette question au préalable. Où est-ce qu'on va la faire, cette brigade? Parce que sans lieu, c'est quand même plus compliqué, quoi. Je ne sais pas que je veux décourager, c'est simplement que, voilà, quand on a un lieu, c'est beaucoup mieux, quoi. C'est important d'avoir les outils concrets, hein, justement, de pouvoir avoir votre rendu d'expérience là-dessus, quoi. C'est hyper utile pour les gens, hein. Peut-être on peut laisser nos camarades de Rouen aussi s'introduire un peu et puis organiser ensuite une discussion à trois voix, après. Ouais. Ça vous va? Oui, oui. Du coup, nous, vous voulez qu'on revienne, on va revenir un peu sur comment on a créé ce réseau d'entraide là. Justement, tu parlais des lieux. Nous, on a une association et un lieu qui s'appelle le Diable au Corps. Et le Diable au Corps, c'est un lieu qui est en plein centre-ville, plus ou moins, qui est une grande maison où on y fait ce qu'on a besoin de faire en fonction des aléas, des événements politiques. Mais sinon, c'est aussi notre maison, quoi. Il y a un studio de radio, justement, il y a une bibliothèque, etc. Et en fait, dans ce lieu-là, nous, on organisait déjà des récups dans les magasins, quoi. Et tous les samedis, on proposait une récup aux gens du quartier et aux camarades, quoi, entre nous, aux gens qui en avaient besoin. Et en fait, au début du confinement, on a décidé de continuer ce truc-là parce qu'il y avait moyen avec les magasins et qu'on trouvait ça pertinent de continuer. Et parallèlement à ça, il y a eu pareil un appel sur Facebook d'un groupe de gilets jaunes. En fait, nous, c'est ça aussi le lien. Enfin, c'est là-dessus qu'on voulait surtout insister. Mais il y a un groupe de gilets jaunes qu'on connaissait qui étaient surtout des street medics pendant les manifs, qui, eux, se sont organisés spontanément pour faire des maraudes dans Rouen, quoi. Enfin, je vous passe les détails des lieux, mais dans plusieurs endroits à Rouen. Et voilà, ils recherchaient de la nourriture, des gens motivés, etc. Donc, nous, comme on a ce lieu-là, le Diable au Corps, et qu'on a eu envie de répondre à cet appel, on a proposé de faire des repas plusieurs fois par semaine au début, mais sans trop de prétention. On a commencé par faire 20 repas, genre 2 ou 3 fois par semaine. Et finalement, voilà, on est rentré dans la dynamique du truc. On a ouvert aussi notre projet, on va dire. Enfin, cette idée-là, on l'a ouvert à un plus grand nombre. On en a parlé sur les réseaux. On a créé justement cette page réseau d'entraide et solidarité de Rouen. Pour pas rester cantonné, voilà, à notre petit réseau ou aux camarades, etc. On a voulu élargir le truc et on a voulu aussi sortir de la nomination du Diable au Corps, voilà. Et de là, on a commencé à constituer des équipes. Et aujourd'hui, on s'est engagé pour faire au moins 40 repas tous les jours. Et du coup, voilà, nous, c'est un truc un peu ficelé sur des choses qu'on connaissait avant, du réseau qu'on connaissait avant, puisque du coup, on fait des récups tous les jours dans les magasins. On a acheté aussi du sec, etc., grâce à une petite cagnotte qu'on a mis en place sur Internet. Entre nous, on avait l'habitude de travailler ensemble, enfin de faire des projets ensemble, etc. On s'est mis à cuisiner et à proposer notre aide. Et il y a des gens qui nous rejoignent, etc. Et c'est en lien avec des gilets jaunes qu'on avait rencontrés du coup l'année dernière. Et ça, on trouvait ça cool, l'espèce de cercle vertueux là qui se mettait en place. Et voilà. Et du coup, par rapport aux maraudes, en fait, nous, au début, on a rejoint ce groupe-là de gilets jaunes. C'était vraiment sur l'aspect nourriture, on leur filait la bouffe et ce qu'on pouvait récupérer, etc. Et en fait, eux-mêmes ont des besoins d'aide, on va dire, sur les maraudes. Et comme pour couvrir toute la ville, c'était un peu compliqué. Nous, on commence là vraiment depuis, on va dire, 2 jours à faire des maraudes avec eux, ou en tout cas à se diviser la ville, rive droite, rive gauche, en 2 équipes. Et voilà. Et du coup, pour répondre à la question que tu as posée tout à l'heure sur les nouvelles de la rue, c'est vrai que là, nous, ça va être difficile d'en donner tout de suite parce que on est encore vraiment aux prémices de notre expérience sur le contact directement avec les gens dans la rue. Et du coup, ouais, j'ai pas envie de dire de conneries, mais. En tout cas, des retours qu'on a eus de ces personnes-là qui faisaient les maraudes, n'a pas eu de, voilà, d'anecdotes particulières à raconter ou de gros problèmes à faire remonter, si ce n'est une difficulté au début à cohabiter, on va dire, avec la police, puisqu'ils se sont fait emmerder les premières fois parce qu'il n'y avait pas l'attestation, je ne sais pas quoi, ou parce qu'il n'y avait pas une aide, enfin, comment dire, un papier officiel. Mais voilà, ce qu'ils avaient l'air de dire hier, c'est que maintenant qu'ils étaient plus ou moins repérés, voilà, les flics passaient à côté d'eux et les laissaient plus ou moins tranquilles. Ouais, c'est l'enfer, ça, c'est vraiment tout ce qu'on déteste, c'est l'arbitraire policier. Pardon, hein, Juliette, je t'ai coupé. On organise le plateau à distance, on peut pas se faire des petits signes pour te dire, tiens, tu as la parole, alors je m'excuse de t'avoir coupé. Mais ouais, c'est tout ce qu'on déteste, l'arbitraire policier, c'est-à-dire que c'est la police qui va décider d'appliquer la loi de telle ou telle manière, puisque la loi est floue. Donc, c'est la définition, pour moi, de l'état policier. Et on va y revenir d'ailleurs un peu largement après sur tous les abus qu'il peut y avoir sur cette fameuse attestation dérogatoire de sortie. Voilà, il y a des gens, non, ils n'en sont pas de sortie. Je propose de faire juste un petit interview musical pour nous redonner un petit peu la patate en plateau. Et puis on revient pour discuter ensemble après, ça vous va? Ouais, super. Je vous propose d'écouter La Semaine Sanglante, ce beau chant de la commune qui nous donne du cœur. J'ai cherché des versions sur internet et sur des disques que je trouve pas intéressantes, donc je préfère vous passer une version enregistrée dans une NAS en manif. Et on se retrouve juste après. Oh! Et voilà, c'était la semaine sanglante, version manif en confinement. Vous êtes toujours sur La Centrale, que vous écoutiez depuis acentrale.org, depuis Pinode à Mulhouse, depuis Radio MNE également à Mulhouse. On pense fort aux gens de la région qui se sont mangés la version très très méchante de cette épidémie. On est également sur les ondes de Radio Piquet à Brest, de La Parole Errante à Montreuil, de l'Écho des Cabanes dans le Gers, de Radio Campus France, en France, de l'Écho des Garrigues à Montpellier et demain en différé sur Fréquence Paris Pluriel en région parisienne. Et on est toujours là à l'antenne avec Marco et Élise qui font partie de la Brigade Solidaire de Montreuil. Et également avec Nico et Vincent qui font partie du réseau d'entraide et de solidarité de Rouen. Et on est en train de faire le point sur comment on s'organise concrètement aujourd'hui pour répondre à cette situation. Et puis, au-delà de ça, en fait, je crois qu'on ne parle pas seulement de répondre, enfin, on parle de besoins très concrets qui s'expriment aujourd'hui parce que. Il y avait notamment des ministres qui tentaient de nous rassurer sur le fait que il n'y a pas de crise alimentaire, il n'y a pas de risque de crise alimentaire, sauf que c'est bien gentil de dire ça, mais en fait la crise alimentaire c'est une réalité qui est déjà là pour un certain nombre de personnes en France, c'est-à-dire que là l'épidémie de coronavirus elle aggrave toutes les inégalités quoi. Si on était pauvre, eh bien on devient ultra pauvre et on n'arrive plus à trouver à manger. Et donc il y a besoin d'y répondre maintenant immédiatement. Et peut-être qu'on peut justement discuter de ça. Le réseau d'entraide de Rouen, truc intéressant que vous disiez avant. Enfin, tout ce que vous avez dit est très intéressant, mais notamment le truc que j'ai relevé, c'est le fait que vous travaillez là avec des gilets jaunes en fait dans ce réseau d'entraide, et que du coup les liens qui ont été tissés au fil des manifs de l'année 2019 et antérieure, 2019 et puis début 2020, ont permis de retisser des réseaux de solidarité. Et on voyait bien que les Gilets jaunes jouaient ce rôle-là super important, en fait, de recréer du commun, de recréer du lien dans cette atomisation. Et pareil, Montreuil, vous disiez que la brigade populaire, elle sort pas de rien. Elle vient d'un tissu associatif et militant qui est déjà extrêmement dense. Et je trouve ça intéressant qu'on aborde un petit peu cette question-là politique. Ce que vous montez là en termes d'auto-organisation, comment est-ce que ça reconfigure votre engagement, vos façons d'agir, le lien avec des collectifs qui y avaient ou pas avant, ou des individus qui y avaient ou pas avant. Est-ce que vous voulez parler de ça? Peut-être le Diable au corps pour commencer. Ouais, je veux bien parler de ça. Non, mais c'est vrai que nous, le fait qu'on ait répondu à l'appel des Gilets jaunes, c'est important pour nous, dans l'histoire qu'on est en train de raconter, parce que au-delà du simple projet d'aide ou de solidarité, d'entraide et d'aller directement à la rencontre des publics. C'est vrai que nous, là, ce qui aussi nous semble important, c'est que à la fois on puisse continuer, enfin, qu'il y ait une continuité avec les nouveaux liens qu'on a pu établir l'année dernière ou pendant le mouvement des Gilets jaunes, et aussi là de proposer quelque chose, enfin, une force matérielle et d'organisation aux personnes qui auraient envie de s'investir aussi. Voilà, dans cette solidarité ou dans cette entraide-là naissante avec le Covid, le confinement. Et du coup, là-dessus, c'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup et dont on parle beaucoup, c'est cette possibilité de, comme vous disiez un peu en intro, de montrer une façon de s'auto-organiser, de tisser de l'entraide d'une autre manière, hors circuit classique étatique ou on va dire d'associations soutenues quasiment entièrement par l'État. Et voilà, nous là-dessus, c'est pas réfléchi à l'avance, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on a rebondi rapidement, parce qu'il y a eu un besoin, parce que les gens qui demandaient l'aide, les Gilets jaunes, on les connaissait. Et le fait de pouvoir très rapidement mettre en place quelque chose et d'ouvrir ce projet à d'autres personnes qui auraient envie de nous rejoindre, c'est quelque chose qu'on trouve primordial, quoi, et qui qui résonne au-delà de la situation actuelle. En fait, c'est juste que cette situation-là, comment dire, paranormale, c'est aussi une opportunité pour montrer qu'il y a d'autres formes d'organisation et qu'il y a, une capacité voilà, matérielle qui existe là, en l'occurrence chez nous, quoi. Et du coup, on est d'accord pour dire que toi, c'est volontaire, en fait, cette idée de se séparer des institutions. Enfin, je dis toi, mais c'est vous, hein, bien sûr. C'est volontaire. Bah, oui, c'est, bien sûr que c'est délibéré de se séparer des institutions, dans le sens où, en fait, on, à la fois, évidemment, ça c'est sans doute logique, on n'a pas confiance dans la manière dont on se fait organiser par les institutions politiques classiques, etc. Pour autant, je crois que ce qui est important de dire, c'est également qu'on se précipite pas dans le militantisme et dans une forme, une temporalité d'urgence et de d'humanitaire et de charité, quoi. Ce qui est important pour nous, c'est aussi d'essayer de voir ce qu'il y a de désirable dans ce qui se profile et pas de se laisser absorber en faisant en fait le travail de l'État qu'il ne fait plus. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où historiquement l'État-providence se replie. Se désagrège comme on veut, mais là ce qui est requis de nous, ça n'est pas de prendre la relève de ce que l'État-providence faisait très bien. J'ai un ami qui disait il y a pas très longtemps, on veut pas être un État-providence schlag, mais nul, voilà, c'est pas le but de ce qu'on fait, quoi. Donc évidemment il y a des urgences et il y a des choses auxquelles on est sensible, on a de l'empathie comme tout le monde, etc. Pour autant, on cherche effectivement à faire croître aussi à mettre à profit, à faire croître une force matérielle ici et à rencontrer des gens qui sont pris par le désir eux aussi de s'organiser comme nous, quoi. Ouais, c'est super, ça correspond en tout cas aux positionnements politiques qu'on essaie d'aborder aujourd'hui, cette question de, parce que par exemple il y a le gouvernement qui a mis en place une plateforme, je crois c'est jeveuxaider.gouv.fr, un truc comme ça, où on sait bien que par exemple ce genre de choses ça va fédérer des énergies sur des problématiques qui sont les problématiques gouvernementales. Et les problématiques gouvernementales, enfin, je pense qu'on a tous et toutes vu ce qu'elles étaient. Quand ils ont passé la loi d'urgence sanitaire, ils ont mis 46 milliards d'euros en creusant les déficits. Apparemment, ce n'était pas possible de creuser les déficits. En fait, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, parce que ça prend 3 jours. Il n'y avait pas une ligne pour l'hôpital. Il n'y avait pas une ligne pour les plus précarisés. Donc ça fait sens à un moment de se dire on en a un petit peu marre de disperser de l'énergie pour aller dans ces plateformes, dans ces solutions, dans ces manières de faire qui sont celles de l'institution, et on préfère tisser des choses qui peuvent ensuite perdurer, notamment. Enfin, si je traduis un peu ton propos, si je le reprends un peu, si, dis-moi si j'ai parlé à côté. Et ça me rappelle, enfin, pour moi, l'État, ça fait un petit bout de temps que l'État capitaliste défait en fait justement l'État-providence, comme tu disais, et que du coup, il fait des délégations de services publics qui sont pas forcément formulées comme telles auprès de certaines associations qui font du coup un travail super compliqué dans des conditions super difficiles. Mais du coup, là, l'auto-organisation, c'est prendre la tangente par rapport à ça, de dire le service public, en fait, c'est nous directement, quoi. On va se l'organiser, nous, à notre manière et pas justement dans une perspective capitaliste. Et je vais laisser la parole à Elisa de Montreuil qui va intervenir. Voilà. Alors, pour vraiment me raccorder à ce que vous disiez, je suis déjà tout à fait d'accord. Et effectivement, pour avoir passé beaucoup de temps avec les Gilets jaunes de Montreuil dans différentes luttes, depuis l'année dernière, je me disais qu'on fonctionnait quand même par rapport au gouvernement. C'est-à-dire qu'on dépendait des actualités, donc de tous leurs choix et de tous leurs manèges que je trouve absolument incompréhensibles et néfastes, ils nous retombaient dessus et à cause d'eux, on était obligés de faire des choses. Et ça m'a toujours dérangée pendant toute la période des manifs, sans dire que évidemment que je comprends l'urgence, mais voilà, tu te dis, bordel, je suis obligée me mobiliser parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi qui est en train de faire de la merde, quoi, excusez-moi l'expression. Donc, depuis qu'il y a l'émergence du coronavirus, on s'est, dans un certain sens, rendu indépendant de ces mouvements-là. C'est-à-dire qu'on avance à notre propre rythme et on les a laissés des kilomètres en arrière, tous les autres sphères, hein, en attendant qu'ils prennent leurs décisions, qui, voilà, encore une fois, c'est au moins sont faites n'importe comment. On les a vraiment laissés à des kilomètres derrière nous et on avance beaucoup plus vite. Et je trouve que c'est vraiment, pour moi, enthousiasmant, quoi, parce que je vois que tout ce qu'on côtoie grâce aux actions des brigades ressentent la même chose. Vous voyez, c'est vraiment une sensation d'enthousiasme qui est transmise par l'efficacité de ce que tu fais. Et certainement, on va se poser la question de comment faire perdurer cet enthousiasme et comment garder cette solidité des liens qui commencent à se créer pour faire encore mieux après, quoi. Bah, ton enthousiasme est très communicatif et j'espère qu'il touche autant que nous, les auditeurs et les auditrices de la centrale en ce moment. Est-ce que vous voulez qu'on fasse de manière très concrète pour à la fois la Brigade solidaire populaire de Montreuil et à la fois Diablo Corps Rouen, qu'on fasse de manière très concrète la liste de vos besoins et les possibilités de vous contacter maintenant ? Oui, si vous voulez, on peut faire une liste, sachant que notre liste est assez longue. Donc, éventuellement, je peux faire un résumé. Comme alors, peut-être ça, on commence par le contact. Alors, les contacts, j'arrive tout de suite. Brigade populaire. Oui, pardon. Si tu veux aller. Non, vas-y, c'était okay. Pour toi. Brigade populaire, petit trait au milieu. IDF, comme Île-de-France, @protonmail.com. Donc, Brigade populaire, trait de milieu, IDF, @protonmail.com. Après, il y a le groupe Facebook, dont la messagerie fonctionne à la perfection. Ils sont très, disponibles pour répondre à toutes questions, pour vous orienter aussi. Et du coup, j'ai pas pris tous les mails puisqu'il y a des brigades un peu partout en France qui se montent et même à Bruxelles. Et du coup, j'ai pris les mails de l'Île-de-France, mais vous pouvez leur demander de vous mettre en contact avec d'autres villes si vous voulez ouvrir des brigades dans notre ville. Et aussi la page Facebook qui s'appelle Brigade de solidarité populaire. Il y a les contacts des autres villes. Et on parlait aussi de Marseille et du McDo qui était réquisitionné. Donc, il y a des infos qui circulent, qui sont très intéressantes. Et à la fois, pour tout ce qui concerne la protection, et après, pour tout ce qui concerne les plans pour loger des personnes qui ont perdu leur logement, pour aider les soignants, des vidéos pour voir un peu qu'est-ce que c'est un concret, qu'est-ce qu'on fait. Et alors attends juste, je rappelle bien les deux contacts. Ouais. Pour l'Île-de-France, donc c'est Brigade Populaire au singulier et en minuscule, Brigade Populaire-IDF@protonmail.com. Brigade populaire au singulier-idf@protonmail.com. Et sinon, pour l'ensemble des brigades de solidarité populaire de France, là, c'est un groupe Facebook qui se nomme, comme on vient de dire, Brigade de solidarité populaire. Et on vient de mettre les liens sur aussi le chat de la centrale sur acentrale.org, si vous voulez les retrouver. Et Rouen, vous avez aussi du coup un Facebook et un mail, je crois. Ouais, on a un Facebook qui s'appelle Réseau d'entraide et de solidarité-Rouen. L'adresse mail, c'est réseau-entraide-rouen@riseup.net. Et en fait, de toute façon, même en cherchant sur Internet directement, vous tombez sur nous et voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, en termes de besoins, il n'y a pas, en termes de nourriture, on est quand même assez large, là, on est bien. Et de toute façon, on a déjà, comme je disais tout à l'heure, on a quand même un bon réseau là de ravitaillement, tout ça. Par contre, en termes de nous, l'aide nécessaire, ce serait plutôt en termes de produits d'hygiène ou produits de masques, etc. Quoi. Voilà. Et Montreuil, tu voulais faire, Marco, la liste, un résumé, une synthèse de la liste des besoins ? Oui, allez, faisons une synthèse. C'est tout d'abord des légumes, des fruits pour les distribuer aux personnes qui ont besoin. Nous avons une permanence. Vas-y, Elise, parce que c'est elle qui nous en occupe. Donc, nous sommes à l'espace aéré au 57 rue Étienne Marcel à Montreuil, les lundis, le mercredi et les vendredis de 10h à 18h. Pour ceux qui souhaitent apporter des dons, désolé, vous ne pourrez pas rentrer. On va vous venir à votre rencontre sous la grille. On récupère les dons. Tout est nettoyé, tous les emballages sont nettoyés à l'eau de Javel, pour vous dire comme on est maniaque ici. Et puis, évidemment, lorsqu'on vous rencontre, on vous dit, on vous explique ce qu'on fait et on cherche toujours du monde sur les différentes actions qu'on mène, aussi bien pour livrer, pour apporter un support à la communication et à la récolte des dons. Donc, voilà quoi, vous êtes bienvenus en respectant les règles d'hygiène qui ne sont pas très conviviales, mais vous êtes quand même bienvenus, quoi. Et je redis ce qu'on a dit aussi en préparant cette émission, c'est que si la centrale peut servir à ça, il faut qu'elle serve à ça, quoi. C'est-à-dire à passer des messages. N'hésitez pas à appeler sur quand on fait des antennes en direct. Pour l'instant, c'est samedi à partir de midi. L'horaire de fin est variable. Ce soir, c'est 21h. Mais voilà, n'hésitez pas à passer des messages, à passer des appels à travers la centrale. Et Vincent ou Nico, je crois que tu avais quelque chose à dire. Oui, moi, c'était pour rebondir sur l'intervention précédente de Elisa, qui parlait de la manière dont on laisse l'État derrière. Moi, c'est pas du tout mon expérience, l'expérience du début du confinement. Et je pense que c'est important de garder une attention un peu fine à la situation, au moment de l'époque dans lequel on est. Moi, ce qui m'est apparu très clairement au moment où le confinement a été décidé, et ça, je parle à l'échelle un peu de moi-même et de mon groupe, mais j'ai l'impression que c'est ce que je voyais aussi en France, c'est quand même au contraire que l'action gouvernementale, elle a été spectaculaire, quoi. Mais c'est spectaculairement remarquable, quoi, je veux dire, en termes de qu'est-ce que c'est que du bon gouvernement ou du mauvais gouvernement. Je ne parle pas moralement, politiquement, parce que tout est un peu pourri, c'est d'accord, mais en termes de à quel point c'est efficace et puissant. Ce que le gouvernement de Macron a réussi à faire là, c'est sans doute se garantir une réélection. Enfin, en fait, il y a eu un déploiement de puissance de l'administration qui a été vraiment, assez, assez incroyable, quoi. Je pense que tout en voyant, comment dire, la consistance, je dirais, éthique de ce que nous on tente ici à Rouen, à Montreuil, qui est infiniment supérieure à ce que peut faire l'administration néolibérale qu'on connaît. Il faut pour autant reconnaître à cette administration une efficacité, notamment dans l'ordre du symbolique, qui est très élevée, quoi. C'est-à-dire que là, quand même, faire rentrer une population entière chez elle, ça implique un certain niveau de manipulation des affects qui est quand même, voilà, que je qualifierais de spectaculaire, et moi-même j'en ai été vraiment sidéré, quoi. Et donc je pense que c'est en se plaçant à ce niveau-là, quoi, c'est-à-dire en étant vraiment attentif à qu'est-ce que le pouvoir fait, comment il se déplace, on peut aussi réfléchir à quels sont nos leviers, quoi. Et donc, évidemment, c'est ceux de l'auto-organisation, moi, je suis tout à fait d'accord, et c'est ceux aussi, du point de vue du droit, de la contestation de ce que sont en train de faire, de ce qui est en train de ce dispositif des attestations. Je parle de ça parce qu'on a commencé à en parler tout à l'heure avec ces problèmes que posait la police. Je transitionne un tout petit peu, mais je laisserai bien sûr rebondir après, mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y a eu, enfin, c'était il y a 2 jours peut-être, il y a une nouvelle qui est intéressante, qui est qu'à Toulouse, des avocats ont réussi à suspendre un jugement. Concrètement, ils défendaient un chauffeur Uber qui avait été verbalisé 4 fois de suite pour ne pas avoir d'attestation, et il risquait donc 6 mois de prison. Et en fait, ils ont réussi à suspendre le jugement pour l'instant, il n'y a pas de jugement, en posant ce qui s'appelle une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. C'est-à-dire qu'ils ont dit que le dispositif, les décrets qui encadrent les attestations étaient flous juridiquement et étaient susceptibles d'être contraires à la Constitution. Pourquoi c'est important? C'est parce que concrètement, ça, c'est une victoire qui ne vaut pas que pour leurs clients à eux, mais qui vaut pour n'importe qui d'autre potentiellement. Donc voilà, c'est un exemple que je donne pour dire que là, il y a des choses qui se jouent, qui sont sur lesquelles il faut être, sur lesquelles il faut être un peu attentif, quoi. On ne peut pas se contenter de dire bon, bah, c'est l'état d'exception, voilà, ça confirme ce qu'on savait déjà avant, etc. Non, en fait, ce qui se passe, c'est concrètement, le terrain juridique, c'est une bataille. Il y a une victoire immense qui a été gagnée par le gouvernement en mettant en place des décrets d'exception il y a quelques semaines qui nous ont confinés, et pas que, enfin, voilà, des tas d'autres choses, c'est de ce dont je parlais. Et là, aujourd'hui, avec cette décision du tribunal de Toulouse sur l'insistance donc, de ces quelques avocats, il y a une sorte de petite victoire de suspension. Voilà. Donc, c'était pour dire un peu que moi, c'est comme ça que je vois la situation. Quoi. Pas à gros traits, mais il faut vraiment essayer d'être dans le détail ou dans l'attention fine à ce qui se passe. Quoi. Connais ton ennemi, comme je disais, je ne sais pas qui, effectivement. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose par rapport à tout ça, ou quelqu'un veut rebondir par rapport à cette question-là? Oui, je voulais juste ajouter un truc, parce que je me suis un peu informé par rapport à comment les choses se passent à Milan, par exemple. Et à Milan, les brigades interviennent avec les soutiens, en tout cas la mairie de Milan leur empêche d'être embêté par la police. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Donc ici, pour l'instant, il y a quand même le problème des attestations, même s'il y a de bonnes nouvelles comme ça, comme les copains de Rouen nous relatent. Mais c'est vrai qu'on est un peu embêté, surtout les livreurs, parce que du coup, normalement, on a juste une heure de temps et on ne peut pas trop bouger de chez nous. Quoi. Donc, ça serait peut-être intéressant de travailler là-dessus au niveau même national, disons, de mettre mutualiser les forces pour trouver une solution, même si voilà, on sait quel type de pouvoir on a en face, et qui est très strict. Ici, dans les 93, on a une énorme quantité d'amendes qui sont distribuées. Il y a des hélicoptères qui circulent pour surveiller les habitants des cités. Et dès qu'il y a des gens en bas de leurs immeubles, ils sont verbalisés, tandis que dans les quartiers riches, voilà, les gens se baladent tranquilles. Donc voilà, c'est aussi de trouver des façons pour... je sais pas là, parce que chaque ville est différente, bien sûr, et chaque pays, mais trouver des solutions pour augmenter notre pouvoir, notre liberté, voilà, de circulation. Donc, peut-être tisser des liens avec l'ONG, les ONG, trouver une certaine, je sais pas, je trouve pas un autre mot, mais respectabilité, en tout cas, légitimité, merci. Voilà. Je sais pas si c'est intéressant. Très intéressant, ouais, bien sûr. Puisque, effectivement, c'est le politique qui décide de notre capacité à circuler. Et tu l'as très bien exprimé, à Milan, ils ont réussi à avoir une espèce d'accord avec le politique. Je me demandais en t'écoutant si à Montreuil, il pouvait pas quand même y avoir quelque chose au niveau de la mairie qui se ferait, où on imagine quand même assez facilement qu'avec une autorisation de travail, c'est-à-dire que dans l'autorisation dérogatoire de sortie qui nous permet de manière dérogatoire de sortir de chez nous, il y a une case si on vient en aide à quelqu'un. Et du coup, voilà, il y aurait soit cette case peut-être qui serait envisageable, soit la case de travail en fait, qui peut pas être menée, enfin qui peut pas être menée à distance, le télétravail. Du coup, je sais pas, ouais, si des ONG ou des structures, ouais, institutionnelles seraient capables de fournir ce genre de documents, quoi. Alors, si vous voulez, je peux vous dire un peu comment c'est organisé jusqu'à là. Donc, il y a deux possibilités. Soit on fait avec l'administration, soit on fait sans. On a vite compris, c'est pas faute de ne pas avoir essayé, voyez, on a vite compris que faire avec l'administration aurait tout simplement ralenti le processus. Ça ne veut pas dire qu'il aurait été moins performant, mais certainement beaucoup plus de temps pour le mettre en place, ne correspond pas aux critères de l'urgence. Donc, pour revenir à une logique qui soit un peu pragmatique, eh bien, on a décidé de faire sans, on a décidé d'agir, on a décidé de rassembler nos forces, nos intelligences. On connaît assez bien comment la mairie, comment les autres services ici sont organisés. On n'est pas forcément contre, ou c'est pas du tout comme ça qu'on prend les choses. C'est vraiment une question de timing, de temps, de rythme. Et ce rythme-là ne convenait pas. Donc, si après il y a une ouverture et qu'on peut faire des choses dans la légitimité, on n'est pas abruti, bien sûr qu'on va essayer de rendre les choses plus faciles, par exemple pour les livreurs, parce que c'est eux qui sont embêtés en premier. Mais comme pour l'instant, on fait 100, eh bien, on a des attestations, effectivement, comme vous dites. On coche la case de l'assistance aux personnes en danger. Et parallèlement, on a décidé de consacrer l'argent d'une cagnotte pour nous, sur les communs, à des éventuelles amendes qu'on recevrait. C'est comme ça qu'on fonctionne pour l'instant. Bravo. Alors, on peut rappeler aussi que, bah, du coup, vous, votre cagnotte, on la trouve comment, en fait? C'est au nom de la brigade de Montreuil? Vous la retrouvez sur la page Facebook. Okay. Dans un post, mais je vais vous envoyer les liens, comme ça vous pouvez les publier. Ouais, on va le mettre dans le chat de la centrale. Mais on peut aussi le dire à l'antenne pour les gens qui vont écouter en différé. Donc, bah, sinon, vous allez sur le Facebook, du coup. Le Facebook, c'est celui des brigades solidaires d'Île-de-France. Voilà, okay. C'est exactement ça, parce que l'organisation des brigades, elle est quand même, je dirais, francilienne. Donc, l'EPO est francilien. Du coup, l'argent qui est recueilli est organisé comme répartition de cette façon. Il y a un pourcentage qui sera mis de côté pour les amendes, un pourcentage qui sera mis de côté pour approvisionner les brigades en matériel. Parfois, il nous faut des casseroles, parfois, il nous faut des masques, enfin, tout ça, quoi. L'essence pour les livreurs. Et le reste, ce sera divisé en parties égales parmi les 16 brigades qui sont actives à ce jour en Île-de-France. Voilà comment on a pensé répartir. Ouais, j'étais dessus, là je l'ai posté sur le chat du coup pour nos auditeurs et nos auditrices. C'est lepotsolidaire.fr. Et donc en tapant après dans la recherche cagnotte brigade de solidarité populaire Île-de-France, on trouve la cagnotte qui atteint ce beau petit montant là de 7 659 €. C'est bien, mais c'est loin d'être suffisant, on imagine, pour fabriquer, comme vous le disiez, 150 repas par jour. Voilà, donc on vous invite à participer sur cette cagnotte. Cagnotte des brigades de solidarité populaire d'Île-de-France sur lepotsolidaire.fr. Et on ajoute aussi, pour Rouen, il y a également une cagnotte qui est cette fois sur le pot commun. www.lepotcommun.fr. Vous trouverez le lien, bah, je pense, sur votre Facebook, le réseau d'entraide de Rouen. Ouais, carrément, ouais. Voilà, et puis on l'a mis également sur le chat de la centrale à l'instant. Super. Et ben voilà, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser la centrale pour passer des messages ou relayer des choses. Peut-être juste, je voulais ajouter une chose par rapport à Rouen. Je sais qu'il y a aussi une distribution de nourriture à 18h chaque jour, place des Emmurés à Rouen, sur la rive gauche. Et vous, de votre côté, c'est quelle heure et quel endroit? Ouais, ben nous, c'est juste un peu avant, parce que c'est place Saint-Marc à 17h40, on va dire. Enfin, voilà. En fait, c'est dans la, il y a la personne qui amène les repas à place Saint-Marc, après part directement aux Emmurés. D'accord. Et après, là, l'idée, c'est qu'à partir de lundi, on essaie de, à partir de Saint-Marc, de faire un tour à pied, quoi, dans Rouen, et essayer de trouver les personnes qui ne viendraient pas au point de rendez-vous. Et voilà. Ok. Montreuil, vous voulez donner un rendez-vous aussi? Non, on peut donner un rendez-vous pour lundi, pour la permanence. Si j'ai bien compris cette question. Oui. Oui, on a une permanence à l'espace aérien. C'est au 57 rue Étienne Marcel, de 10h à 18h pour donner et aussi éventuellement pour prendre contact avec nous, pour rejoindre la brigade. Et je voulais juste dire, si vous êtes ailleurs en France, n'hésitez pas à monter vous-même une brigade, même si vous êtes tout seul au début, parce que en fait la coordination va vous aider beaucoup dans tout ce qui est il y a des chartes à suivre pour cuisiner, des chartes pour livrer, il y a toutes les règles à respecter pour faire attention aux autres. Et ensuite vous verrez que si vous ouvrez un groupe Telegram par exemple ou WhatsApp et au Signal, vous verrez que de plus en plus, bah déjà les copains, les camarades évidemment, et après des personnes que vous ne connaissez pas vont vous rejoindre. Et ça, c'est très très beau, ça fait des jolies rencontres. Voilà. Ok, et eh ben merci beaucoup à tous les quatre. Et puis, et ben big up pour d'avoir mis ça en place. Ouais, bravo, et... ça fait plaisir. Et bien sûr, on vous remercie. Et puis, on pense pas qu'à vous, on pense bien sûr à toutes les populations auprès de qui vous intervenez, qui sont en grande détresse aujourd'hui. Merci à vous de participer à rendre leur détresse un peu moins difficile. Merci de nous avoir invités, en tout cas. Oui, merci beaucoup. Merci, ciao, ciao. Ciao. Je rajoute un petit rendez-vous qui n'a pas été cité par nos camarades, qui est en fait organisé notamment par Fréquence Paris Pluriel, et vous nous entendez peut-être sur leurs ondes à l'actuelle. C'est tous les vendredis dans le 19e, en fait, avec R2000. Il y a des distributions de nourriture et de produits culturels, type livres, DVD, etc., qui sont organisés. Donc apparemment, hier, ça a très bien marché. Voilà, j'en sais pas plus exactement sur le rendez-vous, mais donc sur l'antenne d'FPP, vous pouvez avoir ce rendez-vous qui sera précisé durant la semaine. C'est tous les vendredis dans le 19e avec R2000. On s'enchaîne une petite virgule et un petit son pour respirer un peu, et on se retrouve juste après. Vive le socialisme. Vive l'autogestion, vive la sécu. La vie ou rien. Ouais, j'ai l'impression qu'il nous attaque là. Il s'énerve, tu crois ? Gare à la revanche. La centrale. Radio de la grève.